palais à Péran, c'est pour demain, pour pas à manger. J'ai des gens qui gagnent folie mariée, c'est pas lever, tomber, marcher. C'est pas palais à Péran, c'est pour demain, pour pas à manger. Et petit tombé crié, mais c'est là pour les divorcer. L'enfant de marié, ça va tailler. C'est là, madame tombé plein. Voyez, petit tombé crié, mais c'est là pour les divorcer. Allons, belle bagaille. Allons, belle mariage. Allons, belle bagaille. Belle mariage, c'est belle bagaille. Allons, belle bagaille. Allons, belle mariage. Allons, belle bagaille. Belle mariage, c'est belle bagaille. Avant de marier, faut préparer. Faut travailler, pas faire par eux. C'est pour après, pour ça vivre heureux. Monsieur n'apprend ça comme exemple. Avant de marier, faut préparer. Faut travailler, pas faire par eux. C'est pour après, pour ça vivre heureux. Allons, belle bagaille. Allons, belle mariage. Allons, belle bagaille. Belle mariage, c'est belle bagaille. Allons, belle bagaille. Allons, belle mariage. Dame la société, bonsoir. Bonsoir, papa Guédé. Pas de la mort, pas de maladie, des cas graves, pas d'accent grave. Eh bien, monsieur jeune garçon, vous avez écouté, vous avez un petit conseil. Allez, non. Si nous co. Déjà marié ou tout marié, si vous pouvez marié, pas bon conseil, pas ton cas. Eh bien, c'est ton camarade qui te dit, petit là qui l'a, je comprends l'idée gagne. 17 ans, 17 ans. Mais, la pour petit la vie nous rend ses services, c'est toujours les soirs, à 8 heures. D'après toute la petite la fait pour lui. Sans quoi dit petite là. Chérie, pour tout ça, moi fait pour moi. Ma mari avec vous. Oui, dit homme, j'ai pas dit mot ça. Oui, et vous connaissez deux bagailles femmes pire même. L'argent, avec mariage. Depuis l'homme, j'ai fini ça, allez, non, bien la vie, gros tonti, mon petit, gros tonti, mon petit. Oui. Tout ça le dit. Chérie, final fait manger pour moi. Oui chéri, vini voyou. Oui chéri, vina loi maman. Oui chéri, quand ta soya, ma kilou. Oui chéri, tout ça deal. Ah oui chéri, oui, jodi fi fait, oui. Mariage vina fait, lève tout ça, moun. Automobile même c'est pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom bourrette cabrette camion basquine oui oui pendant nos abdés filés on vient de chita derrière la vue était à gauche à droite tout le monde s'est vous comme gardé l'aile qui vient la rallye réception en fait de moment il y a des bouchons champagne madame a galé vu le sautil pour galérer à bouler. Alors pas fait voisine sur côté à Weli. Alors pour les voisines, non. Alors les gris et tout douette li. Pas voisine, voisine, là. Oh voisine, voisine, voisine, où qu'on est. Et puis vous sortez l'autre défaut encore. C'est filé à filé où, vous valez où. Et pourtant, vous pouvez pas prendre des pines. Vous pouvez pas aller ça. Vous petit. Mais pour un film, pour tout bagage ça, vous pouvez cramper. Sous des orteils, vous pouvez arriver à mon côté, gars. J'ai dit, vous faites vrai. Trois mois pas passé, discussion. Mais si vous avez procès déclaté, mais là j'ai fait qui déclate, déclate jaune. Oui. Maman fille a mis pas le web, monsieur. Papa fille a pas le web. Seul pas le web. Fouel pas le web. Même chez notre académie, c'est jamais qu'elle saute. Oui, ils vont l'enlever. Oui. Affaires au roi, même, c'est chaque 5 minutes. La paix m'a l'air à souffler. Oui, oui. Zoclo devant, Zoclo sous côté, Zoclo derrière, Zoclo les moulins, Zoclo les moules pas là. Avant de marier, pour le préparer. Faut travailler par des paresseux pour après, pour sa vie heureuse. Monsieur n'apprend ça comme exemple. Avant de marier, pour le préparer. Faut travailler par des paresseux pour après.